Ça démarre vite comme un Vespa ou un frérot qui baisse pas. J'm'envoie dans l'espace, c'est fragile comme une ex-star. J'ai pris un Tesla, j'sais même pas pourquoi j'ai fait ça. C'était très sale, j't'avais promis que j'recommencerais pas. Maintenant c'est trop tard, j'sais même pas pourquoi j'ai fait ça. La proc elle bouffe ma verge, mon casier restera vierge. Rob D me donne des ailes, mademoiselle veut fumer la zeb. Mademoiselle est à court de rêve, elle s'imagine sur la corde raide. Elle croit pas en l'amour que je lui accorderais si elle avait pas ce corps de rêve. J'rentre bientôt, j'bois encore de verre, j'suis verte à un cœur de pierre. J'patte, j'pense à mon ex, c'est trop facile. J'l'emmène dans ma street, ça sent comme ma street. Elle fait de la magie, ça m'hypnotise. J'revois son string, c'est trop facile. Ça démarre vite comme un Vespa ou un frérot qui baisse pas. J'm'envoie dans l'espace, c'est fragile comme une ex-star. J'ai pris un Tesla, j'sais même pas pourquoi j'ai fait ça. C'était très sale, j't'avais promis que j'recommencerais pas. Maintenant c'est trop tard, j'sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Boum, ça explose comme à Toulouse. Dans la poudre j'suis en tout juste. J'vais skier les coups de pute et les coups de blues. Sa peau elle est toute douce, moi je suis trop douce. Elle a une petite chatte, j'peux lui donner des coups de pouce. Elle tient moi mais elle tient pas l'alcool. Elle dit qu'on s'est quitté d'un comme un accord. On était mineurs comme un accord. On s'est retrouvés j'en voulais encore. J'ai rêvé de toi dans un hôtel à corps. Avec le temps j'ai vu pousser tes cordes. Tu me menaçais de te passer la corde. Ça m'a lassé à force, trop souvent menacé à tort. Malgré sa note passée, je l'adore. Combien de fois tu m'as fait passer la porte? Quand tu me parles mal, direct que je m'emporte. Elle tient mal, elle tient pas l'alcool. Elle dit qu'on s'est quitté d'un comme un accord. On était mineurs comme un accord. On s'est retrouvés, j'en voulais encore. J'ai rêvé de toi dans un hôtel à corps. Avec le temps, j'ai vu pousser tes corps. Tu me menaçais de te passer la corde. Ça m'a lassé à force, trop souvent menacé à tort. Malgré sa note passée, je l'adore. Combien de fois tu m'as fait passer la porte? Quand tu me parles mal, dirais que je m'emporte. Ça démarre vite comme un Vespa ou un frérot qui baisse pas. J'm'envoie dans l'espace, c'est fragile comme une ex-star. J'ai pris un Tesla, j'sais même pas pourquoi j'ai fait ça. C'était très sale, j't'avais promis que j'recommencerais pas. Maintenant c'est trop tard, j'sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je sais pas, donc arrête de me casser les couilles parce que je sais pas ma gueule.